chaussées, de neuf chaussées, et plus ou moins bien balancées, bien balancées. Ils sont affreux, mais très nombreux. C'est nous, c'est nous, c'est nous, les fiancés. Nous portons des paquets, La petite ciboulette, elle se laisse pas impressionner. Et voilà qu'elle leur balance l'Antonin que tout le monde prend pour Nicolas. Faut voir leur bobine aux huit prétendants. Heureusement, parce que du parquet, toujours lui, a une idée pour tout arranger et pour laisser seuls les deux petits harengs amoureux.